Jean Giono, Le poids du ciel. Chapitre 1er, Danse des âmes modernes. Ô doux putride, ô magnifique puant, ô suave, laisse-moi lécher tes pus et tes furoncles, saute sur moi, foule-moi, enlace-moi, que je sente autour de mon cou me serrer avec ce magnifique amour moderne, tes cuisses décharnées d'où la chair s'arrache suavement pourrie. Sur ma bouche, le froid de tes os plus aimable que la fraîcheur des bras de femme. Prends-moi, prends mes enfants. Il les prend. Il n'avait pas besoin que tu le lui dises. Il les prend parce que ça lui plaît, et ça lui plaît. Il les choisit comme des melons. Il leur tâte la fontanelle avec un pouce connaisseur. Il leur déchire avec les dents la peau du crâne à cet endroit où les os ne protègent pas la cervelle. Par le trou, il leur souffle la tête comme des bulles de savon. Si elle éclate, tant pis. Si elle ne se gonfle pas, il l'écrase entre ses doigts. Il essuie ses ongles tout doucement autour de lui dans ses ministres. Si elle se gonfle comme il veut, alors il la tapote et la fait un peu sonner comme les bouchers font sonner le ventre des moutons morts. Et il lâche l'enfant tout contre lui, sur la terre, dans le ruisseau d'enfants gonflés qui coule de lui. Car, à tout moment, on le lui en apporte d'autres, on lui en tend d'autres au bout de milliers de bras. Les ruisseaux d'enfants à la tête gonflée coulent de lui comme les processions de pèlerins coulent des ermitages célèbres. Il est devenu le Dieu et le Créateur. Il n'y a plus aucun rapport entre un enfant véritable et ses enfants. Cette enfance qui est vénusté et joie et appétit de la découverte, et cette curiosité qui gonfle le cœur des vrais enfants comme une poudre qui tout le temps explose et vous fait sauter de tous les côtés dans une vie toute de sourires, comme on voit faire les cabris, les enfants de la chèvre et presque tous les enfants animaux. Non ! Voilà le guide, voilà l'homme d'acier. Oh, il a une très petite partie dans cette danse. Il ne fait pas d'effort. Toutes ces âmes perdues de mal et de saleté, tous ces contes d'orgasme liquéfiés, vous les voyez se balancer sur l'étendue de la terre avec cette houlante force des vagues de tempête. Mais là, au milieu, au centre de l'action, il n'y a pas beaucoup de gestes. Il y a un très petit pas de danse. Il y a, bien sûr, cette mauvaise odeur obligatoire du chef, et il faut bien convenir qu'une partie de l'ivresse universelle vient de cette mauvaise odeur si succulente. Mais il y a le tout petit pas de danse assez nécessaire, malgré tout. Le pouce connaisseur qui tâte la fontanelle des enfants, la bouche puante qui gonfle les cervelles, les chemins de la terre où marche la jeunesse hébétée. Elle a déjà des gestes de vieillard. Elle caresse sa calvitie. Elle ne sait pas que ses cheveux ne sont pas encore poussés. La morve de leur nez, ils la prennent pour de la semence. Il y en a qu'on a ceinturés de poignards et de cartouchières, d'autres qu'on a ficelés dans des disciplines de parti, d'autres chez lesquels on a seulement gonflé avec un peu plus de puanteur dictatoriale la vessie à suffisance qu'ils avaient en place de cervelle. Tout ça remplit les chemins de la terre, à ras-bord, à ne plus laisser de place aux arbres, à arracher les saules, à casser les peupliers, à écraser les platanes, à déborder dans les prés, depuis la main du dictateur qui les pose un à un près de lui dans l'herbe, jusqu'au plus lointain du monde, dans le fin fond, là-bas, où ils ne sont plus que comme de petites colonnes de fourmis noires. Ils sont tous immobiles, bien rangés, ils roulent des yeux de verre sur lesquels on a peint la colère, la fierté, le courage, la force, la gloire, la divinité humaine, l'héroïsme, et plus de 1000 magnifiques sentiments. Tout ça peint dans leurs yeux en cercle concentrique de 1000 couleurs traversées comme dans les billes de verre. Et la férocité, n'oublions pas, ça fait masculin. Et ses yeux roulent de droite et de gauche, avec un petit grincement métallique. Soudain, tous ces hommes en conserve crient « Heil !» De l'autre dictateur, là-bas, il en coule de tout pareil qui crie « À nous !» De l'autre dictateur, il en coule de tout pareil qui crie « Le parti !» Tout ça, ensemble, d'une petite voix flûtée. C'était « Le poids du ciel » de Jean Giono, lu par Denis Podalydès de la Comédie-Française.